Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Blaise Cendrars à feu et à sang. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Ainsi débute la prose du Transsibérien, le poème Fleuve, manifeste, écrit en 1913 par Blaise Cendrars, un jeune poète génial de 26 ans, suisse, plongé dans le bouillonnement artistique de Montparnasse. Aucune frontière ne semble alors pouvoir l'arrêter. Mais la guerre de 14-18 va faire basculer le monde dans le chaos. Pour Blaise Cendrars, comme pour les autres soldats, rien ne sera jamais plus comme avant. Parti la fleur au fusil, engagé volontaire dans la Légion étrangère, Blaise Cendrars, l'amoureux fou de la vie, va rapidement perdre son innocence dans l'horreur des tranchées. En moins de 3 mois, écrit-il, mon cœur n'était plus qu'un petit tas de cendres. La guerre qu'on lui demande de faire, Cendrars l'a fait pourtant, jusqu'au bout, même dans le corps à corps, un couteau à la main. « J'ai tué le Boche », écrit-il. « J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. » France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Blaise Cendrars, un poète dans la guerre 14-18, c'est cette histoire que je vais raconter ce soir avec vous, Claude Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste en France de Blaise Cendrars, un écrivain qui n'en finit pas, je crois, de vous inspirer. C'est vous donc, qui avez dirigé notamment l'édition des œuvres complètes de Cendrars dans la Pléiade chez Gallimard. Alors Blaise Cendrars, né en 1887, mort en 1961, vous ne me contredirez sans doute pas, il reste un auteur méconnu aujourd'hui. Pour quelle raison ? C'est un auteur à mieux connaître, c'est un auteur en devenir, c'est quelqu'un qu'on a longtemps lu à travers sa légende, à travers un personnage qui peut agacer, hein. Ressenti comme mythomaniaque, racontant des histoires, une sorte de Tartarin suisse. Et puis on a découvert peu à peu tout de même, en lisant ses textes un peu autrement, que c'était non seulement un grand poète, mais que c'était une œuvre et non pas un ensemble de coups d'éclat qu'il avait laissé. Et c'est cette découverte de l'œuvre qui se fait peu à peu, qui a conduit donc aux éditions dont vous avez parlé, aux éditions critiques désormais, qui le font lire autrement. Alors on peut penser qu'effectivement il y a de l'avenir pour lui. De Cendrars, pour ceux qui le connaissent un peu, on a en tête l'image d'un vieux monsieur un peu gouailleur, un béret enfoncé sur la tête, une clope au bec et un bras en moins, le bras droit. Mais le Cendrars qu'on va rencontrer ce soir est un jeune homme. En 1914, il a 26 ans, il est beau, il a les cheveux longs, il est romantique. Et cela fait déjà un certain temps qu'il est poète, qu'il a décidé d'y consacrer sa vie. Mais quelle a été sa vie jusqu'alors, jusqu'en 1914 ? C'est un homme qui a le démon de partir, le démon du départ. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Très tôt, il s'est pas enfui, comme il le dira, de chez ses parents en Suisse, hein, mais il a demandé à partir. Et ses parents, qui ne savaient plus quoi faire de lui, c'était une tête un peu brûlée, déjà précocement brûlée, l'ont envoyé faire le commis en Russie, chez un compatriote horloger. Et donc, ça a été un événement tout à fait important. Oui, c'est un sacré voyage. En 1905, oui. Partir en Russie. Oui. Il parlait pas russe, il a appris le russe sur place, et c'était un tout jeune homme. Et ensuite, il a continué. Je dois dire, le mot bourlingueur est un mot qu'on utilise souvent à son sujet. Il a appelé un de ses livres les plus connus Bourlingué. C'est un homme qui est toujours en mouvement. C'est quelqu'un qui avait effectivement une frénésie de mouvement, d'invention, de création. Quelqu'un que Morand ou Picabia, qu'il caricaturait un peu, ont qualifié de Suisse errant, une sorte de variante helvétique du Juif errant. À quel moment, Claude Leroy, Blaise Cendrars décide-t-il d'écrire et à quel moment commence-t-il vraiment à écrire ? Écoutez, le premier texte qu'on a de lui date de 1909, entre fin 1908 et 1909, il commence à écrire des poèmes. Des poèmes qui sont pas du Cendrars, c'est du Frédéric Sauzère, hein, c'est son nom à l'époque, hein, il en changera justement pour affirmer son identité nouvelle. On peut penser, d'après les lettres de jeunesse qu'on a, qu'il a toujours brûlé d'écrire. Il avait la passion de l'écriture. Alors, ces deux poèmes fondateurs, on peut le dire, c'est les Pâques à New York en 1912 et la prose du Transsibérien en 1913. En quoi cette poésie est-elle nouvelle ? C'est une poésie d'abord du monde moderne. New York, la Sibérie, le grand voyage, le grand air, si vous voulez. C'est quelqu'un qui vient des marges, si je puis dire, de la francophonie et qui bouscule la poésie et notamment le grand poète, effectivement, qui est alors Apollinaire. Il bouscule effectivement ce monde poétique par des manières un peu rudes, ce qu'on lui a parfois reproché, et puis surtout un appétit de vivre et un appétit d'écrire et d'écrire des choses modernes, être le poète moderne. Au fond, c'est sa vocation, très tôt. Claude Leroy, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Blaise Sandrard à Feu et à Sang, un texte de Manuel Calma, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Laure Egoroff. Encore quelques mètres et je serai chez les Boches. Tout doux, tout doux. Ils sont juste là, je rêve pas. La petite loupiote, là. Oh non, bon sang, c'est le reflet de la lune dans les feuillages. Je deviens fou, quoi. Ça commence par des hallucinations, ces trucs. J'aurais dû prendre Savo avec moi. Sacré frère d'armes. Dans les raids, la nuit, il avance. Il se laisse pas paralyser par la peur. Surtout quand ça tire de partout. Seul face à l'ennemi, ça fait grimper le truillomètre, mais c'est bon. Et si je me fais gauler par le Boche, ça règle l'affaire. La faucheuse, elle m'assène son coup et c'est définitif. Pourquoi diable j'en réchapperais ? Moi, le poète qui bourlingue, avec mes pagues hallucinées et mon transsibérien... On peut dire que j'avais bien commencé. Ça, oui. Ça a bougé. J'ai pas rêvé, non. La tête du mec. Et là, l'épaule en joue. Merde. Merde, cette fois, je suis allé trop loin. Je déconne sec, là. Si je m'en sors cette fois... Chut. Il va m'entendre respirer. Ça cogne dans ma poitrine. Un simple tronc. Mais quel con. Un délire, un simple délire de caboche d'apprenti soldat. Je suis fou. Oh oui. C'est trop bon de se sentir sauvé. Je suis fou de la folie des poètes. Mais la place du poète n'est-elle pas au milieu des autres hommes ? Dans cette nuit du 11 au 12 juillet 1915, non loin du lieu-dit La Grenouillère, à l'orée du Bois de Vaux, le caporal Frédéric-Louis Sauzère, plus connu sous le nom de Blaise Sandrard, joue à se faire peur. Il se met en danger, partagé entre la fascination de ce qui se joue de l'humanité et la crainte de crever seul, abattu comme un rat. La guerre de position se transforme en guerre d'usure. Les tranchées se creusent, les hommes s'enterrent en attendant qu'une maladie infectieuse les emporte à l'infirmerie ou ne les emporte tout court. Ils sont des milliers à scruter la ligne ennemie, les casques à pointe des Boches, mieux organisés, mieux équipés, mieux armés. Avant même le 2 août 1914 et la déclaration de guerre, le poète suisse avait fait partie des premiers engagés volontaires pour défendre leur patrie d'adoption. À Paris, au 4 de la rue de Savoie, dans un modeste deux pièces, Blaise Sandrard vit avec sa compagne Félicie Poznanska, dite Fela, une jeune juive polonaise rencontrée à Berne quelques années plus tôt. Blaise se prépare pour le grand départ. Mais arrête de bouger. Je vais finir par te couper. T'auras l'air fin avec une oreille en moins. Qu'est-ce que tu fais ? Et puis tu crois que ça sert à quelque chose de me couper les cheveux ? Ils vont faire la boule à zéro dès que je serai incorporé. Laisse-moi faire. Je prépare le terrain, qu'ils partent d'une bonne base. Tu changes pas. Toujours à me materner. Mais tu sais que j'adore ça, ma Fela. Mais arrête ! Arrête donc ! Ou bien tu vas vraiment ressembler à Van Gogh. Il suffit d'un coup de ciseaux mal placé. Quick. D'accord, je ne bouge pas. Tiens, je peux te lire le texte qu'on a écrit avec la mairie de Chioto pour que nous, les métèques, comme on nous appelle, on ait enfin notre place dans ce pays. Vas-y. Mais ne bouge plus d'un cheveu. Je te dis la fin. Intellectuel, étudiant, ouvrier, homme valide de toutes sortes, né ailleurs, domicilié ici, nous qui avons trouvé en France la nourriture matérielle, groupons-nous en un faisceau solide de volonté mis au service de la plus grande France. Ça a de la gueule, tu trouves pas ? Oh, pas de doute. Mais tu crois que ça va nous rapporter quelque chose ? De quoi tu parles, ma beauté ? Je me demande juste comment je vais m'en sortir avec le petit. Je n'ai que 2-3 semaines d'économie devant moi. La guerre ne durera pas, ma Fela. Et puis les Delaunay ont quitté Paris. Ils m'ont dit qu'on pourrait occuper leur atelier si on pouvait plus payer ici. Mais ça n'arrivera pas. Ça va aller, ma beauté. Crois-moi, cette guerre, c'est juste le début de la liberté. La première chose qu'on va gagner, c'est une nouvelle nationalité. Et pas des moindres. Ta Pologne et ma Suisse, on va les mettre de côté. Ah ! Mais tu vas finir par me la couper, cette écoutille. Pardon. Remarque, une petite cicatrice sur la joue. Ça t'obligerait à penser à moi tout le matin. Là où je vais, pas sûr qu'on se regarde dans le miroir pour se raser tous les jours. Regarde-moi. Tourne-toi. Mais que t'es beau. Et avec Luc et Pi, quelle allure. On dirait que tu as toujours porté l'uniforme. Soldat première classe, Sandra, à vos ordres, ma douce Fela. Alors toi, mais quel phénomène. Tu changeras pas. Il est quelle heure? 9h, pourquoi? Faut que je file. J'ai rendez-vous rue Lafitte avec Ricciotto. On va signer notre engagement définitif. Et peut-être que grâce à nous, des milliers de candidats vont signer eux aussi pour la Légion. File alors. Après, nous irons trinquer. Faut bien fêter ça. C'était en juillet 14. Depuis cette promesse de jeunes engagés zélés, 11 mois ont passé. La folie morbide a gagné du terrain, la prison psychique n'est pas loin de se refermer sur lui et ses frères d'armes. Ils n'ont pas d'autre choix que de serrer les dents en attendant des lendemains meilleurs. Ouais, t'as l'air d'avoir croisé un fantôme, caporal Sandra. Tu crois pas si bien dire. Un petit remontant ? Tu nous as pas habitués à ça ? Tiens. Ça réchauffe le cœur et l'âme. Je me suis fait une belle frousse. J'ai cru que j'étais tombé nez à nez sur un boche qui m'attendait pour me planter. J'aurais dû t'emmener avec moi, soldat savoureux. Ah oui, caporal, nous les gitans, on a peur de rien. Ni des fantômes, ni des bougres d'amande, de chair et de sang. Mais faut savoir, elle avait quelle allure ta sentinelle du sous-bois? Un spectre, je te dis. Gris comme un macabée, comme il entraîne de chaque côté de la ligne. Figé, oui, limite ridicule. Comme on doit l'être tous quand on passe l'arme à gauche. Surtout toi, Savo, avec ton air de voleur de poule affamé. Avant qu'on me retrouve refroidi, je me serais fait la malle. Fais pas le con, Savo. Si tu tiens à carreau, t'es bon pour le prochain convoi pour Paris. C'est pas une permission que je veux. C'est la quille, caporal. Retrouver ma ribambelle de caravane et reprendre la route en famille. T'as l'air quand même bien secoué, hein. Sauf votre respect, caporal. C'est le froid, la boue. C'est l'idée de recommencer à tuer aussi, peut-être. Auge für Auge, Zahn für Zahn, comme ils disent. Ouais, ça vaut. Œil pour œil. Dent pour dent. On ne s'y fait pas. J'ai cassé l'ambiance à ce que je vois. Oh, tu rigoles, caporal. On a bu comme des Polonais. Je dis pas ça pour toi, Kupka. Il n'est pas polac, notre Kupka. Il est tchèque. Ah. Hein, Kupka? C'est du pareil au même. Mais toi, t'aimerais qu'on confonde les gitans avec les tziganes? Oh là là, il en tient une couche, Kupka. Hé hey. Il est rond comme une queue de pelle. Et sale comme un peigne. Faudrait pas qu'il nous fasse la fièvre à 5 jours dans ce nid de poux. Ou que ses pieds virent au violacé. Ouais, laisse tomber, caporal Sandra. Ici, on est tous des légionnaires, des tatoués, des vrais de vrais. Tiens, tiens, tiens, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Une petite goutte. Bon, les gars, va falloir fermer le rat de fortune. Demain est un autre jour. Il y a de la permission dans l'air. L'odeur des femmes est montée jusqu'à nous. On verra bien qui sera cocu. Le caporal. Le matricule 1529. On parie que c'est le caporal qui va tirer une croix. Le lendemain, Blaise Sandrard obtient en effet une permission. Il peut rejoindre Paris. Sa femme Fela et leur petit garçon Odilon, né en avril 1915 quand il était au front. Blaise monte dans un train, laissant les copains recalés au fond de la tranchée. Sa veau, le gitan, n'a pas été tiré au sort. Il se demande si c'est la dernière fois qu'il lui serre la main. Il va retrouver Paris, les siens, prendre du bon temps, découvrir Charlie Chaplin et toutes ces facéties dont on parle tant. Le train démarre, il se laisse bercer par les vibrations, loin de la guerre et de ses atrocités. Je sens mon corps devenir lourd. Il m'échappe. Je ne veux pas que le sommeil m'emporte. Pas tout de suite. Je veux goûter la solitude, la vraie. C'est si difficile de lutter contre cet engourdissement qui me gagne. Pendant ce temps, à Paris, fait la peine à joindre les deux bouts. Elle a effectivement quitté la rue de Savoie pour l'atelier de Robert et Sonia Delaunay. Ne percevant qu'une maigre pension militaire de son mari, elle se résout à faire du porte-à-porte dans le milieu littéraire. Elle veut retrouver les souscripteurs qui, avant-guerre, s'étaient engagés à acheter un exemplaire de la prose du Transsibérien. Parmi eux, l'influent écrivain, journaliste, critique d'art proche des symbolistes, Rémy de Gourmont. Elle espère le convaincre d'acheter sa prose et pourquoi pas de prendre Blaise Sandrard sous son aile. Reprenez votre souffle, chère madame. J'ai moi-même de plus en plus de mal à monter les 7 étages. D'ailleurs, je ne les monte plus. Je suis trop vieux. Je reste dans ma tour de Babel. Il faudrait que je déménage. Mais vous avez vu ces tonnes de livres? Mission impossible. Et moi qui viens rajouter un volume avec le livre de Blaise? C'est vrai. Je m'étais engagé à acheter un exemplaire de cette prose si étonnante. Déroutante aussi. Je me souviens du style nerveux, imagé de ses poèmes. Séquences? Oui, c'est cela, séquences. Votre mari me les avait envoyés de New York. C'était il y a combien de temps? 2 ans, je crois. Oh, une éternité. Mon mari est un homme courageux. Bon, vous prêchez un convaincu. J'ai lu son appel dans la presse. Grâce à lui, peut-être 80 000 étrangers se sont portés volontaires pour défendre notre pays. Il vous admire. Eh bien, c'est réciproque. Nos poètes, nos peintres, nos penseurs s'engagent. Il y a tous ceux qui pensent que les artistes ne servent à rien. Je dis, regardez, Kessel, infirmier brancardier, Apollinaire, canonnier de l'artillerie, et tous les autres partis sur le front, les légers, Derain, Braque. Et votre vaillant Sandrard, comment va-t-il? Je ne sais pas trop. Mais sauf catastrophe de dernière minute, il est en route pour passer quelques jours à Paris. Ah, à la bonne heure. Oh. Prenez un peu de ce Mont Blanc, délicieux. Non, merci. Si, si. Il vous faut retrouver un teint réjoui. Oh. Un teint de rose pour que votre poète goûte le plaisir de vos retrouvailles. Et le livre, c'est entendu? Vous le prenez? Qu'il est loin mon vagabondage fantasque et insouciant entre New York et Saint-Pétersbourg. J'ai tué et je tuerai à nouveau, sans aucun doute. La guerre est un arrachement. Un jour j'écrirai quelque chose qui ressemblera à ça. Je n'ai pas reçu que des balles à bout portant, mais des choses qui vous blessent plus qu'un coup de feu. Je ne donne pas cher de ma candeur. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne parviens pas à écrire une seule ligne. Peut-être que je ne peux plus. À Paris, Blaise retrouve Fela dans l'atelier, rue des Grands Augustins. il est partagé entre la joie de revoir sa jeune épouse et le sentiment qu'il ne s'agit que d'une parenthèse enchantée. Il est là pour 2 jours seulement, mais il sort pour aller au cinématographe. On m'avait dit qu'il était dément, ce Charlie Chaplin, mais c'est plus que ça. Dommage que tu n'aies pas pu faire garder le petit. T'aurais vu dans la salle, les gens se tordaient littéralement, c'est un génie. Tu sais, ma Fella, dans les Cagnas, c'est une vraie star. Chacun y va de son imitation. Mais c'est rien comparé au vrai Charlot. J'ai tellement ri que derrière moi, un mec m'a sorti. Hé, hey, soldat, on rit pas comme ça, c'est la guerre. J'en ai décollé une. Moi aussi, j'aurais bien aimé. J'avais besoin de rire, Fella. Tu m'en veux? Mais non. C'est quoi une cagna? Une cagna? Moi, si tu savais, Fella. C'est un abri de fortune. On s'y entasse quand il pleut, et pas que des gouttes. Quand il vente aussi, quand on a besoin de s'isoler des autres, quand le soleil nous tape sur les épaules et le système. On y chope toutes sortes de saloperies, on s'épouille. Mais t'inquiète pas, je me suis rasé de près. Et puis le petit, il a pas plus de 3 cheveux sur le caillou. Oui. Tu n'es là que pour 2 jours. Parlons d'autre chose. De ton fils, de nous. Oui, tu as raison. Parlons de nous trois. Quoi? Non, rien. Quelque chose a changé? Mais non. Ce que je ne pense plus seulement à nous deux maintenant. Nous sommes une famille qui pourra encore s'agrandir. Non. Tu attends un nouveau? C'est pas possible. Ou alors tu t'es trouvé un amant. Qui t'es bête quand tu veux. Peut-être qu'à ta prochaine permission, t'en auras un second. Un second Odilon? Ou une petite rose? Peu importe. Pourquoi pas? En tout cas, moi je ne vais pas m'arrêter là. Tout va si vite. Je te regarde. Je pense à la jolie petite Fella que j'ai rencontrée il y a... une éternité maintenant. Tu es devenue mère, Fella. Ça te va si bien. Je ne suis plus aussi jolie. Mais si. Tu me rassures. Non pas que tu puisses rencontrer un autre amour dans tes tranchées. Mais il n'y a pas de mal à veiller au grain. Ça, aucune crainte. Même si ça parle que de fesses et de cuisses. Et puis je passe mon temps à écrire les lettres d'amour de la moitié de ma section. T'as le temps d'écrire en ce moment? Que des lettres. Mais j'y pense tout le temps. Quand je me bats, j'agis, comme quand j'écris. Et je peux pas tirer sur des corps et gratter du papier dans le même temps. Je vois. En parlant de poésie, je suis allée voir Rémy de Gourmont. Fais-la. Je n'ai pas besoin que tu fasses le tour des cercles littéraires pour moi. Je ne veux pas qu'on croie que je fais l'aumône. Mais il ne s'agit pas de cela. Je n'ai rien demandé. J'ai juste insisté pour qu'il découvre tes merveilleux textes. Il s'est souvenu d'ailleurs de tes poèmes séquences. Nos baisers, nos caresses, chants d'alouettes ailées, tombent du haut du ciel ce soir, de ce ciel clair. Je me souviens quand je les ai écrits, entre Saint-Pétersbourg et New York. C'est si loin. Un jour tu reviendras et tu te remettras à écrire. Je reviendrai, ça oui, mais dans quel état? Tiens, nous allons trinquer au bonheur à venir. Bientôt la guerre sera finie et nous irons danser, vivre et faire d'autres enfants. Que tu es belle, ma Fella. Et toi, Odilon, tu as de la chance de l'avoir comme mère. Mais moi, je ne serai jamais le père dont tu peux rêver. Je le sais. Je veux que ma vie soit un enchaînement de métamorphoses. La vie de père me met mal à l'aise, celle de soldat ne me convient pas. Mais je me suis engagé et j'irai jusqu'au bout. Même si je dois délaisser ce qu'il me reste d'humanité. Le métier d'homme de guerre est une chose abominable. Sandrard repart au front, avec un sentiment mitigé. Quelque chose lui dit qu'il n'a plus sa place parmi les hommes de paix. Les insouciants, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne voient pas. Et qui ne peuvent comprendre les coups à bout portant, les corps à corps à armes inégales. Il s'est déjà battu à Carency, à Souchez, en combat rapproché, mélangeant son haleine à celle de l'ennemi. Blaise ne comprend pas que son désir d'écrire s'est évanoui. Sidéré, lui le poète, le maître des mots, il ne parvient pas à retranscrire ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il respire. comme s'il devait s'enivrer de cette guerre, se saouler de cette violence, avant de pouvoir un jour peut-être la restituer. Ça vaut, t'es où? Ça va? Qu'est-ce que je sens sous mes pieds? Caporal! Je suis là! En contrebas! Là! Là, vous me voyez? Ça fait une heure que je te cherche! Caporal! J'ai pas vu le décrochement plus haut! J'ai dévalé jusqu'ici! Attention, vous marchez! C'est pas que de la boue, nom de Dieu! C'est une bouillie de cadavre! Oh, cette horreur! Ça date pas d'hier. Ça remonte à loin, vu l'état. Regardez pas trop vos pieds, caporal. Sinon, vous allez dégueuler toute votre tripe comme moi. On est où, là? C'est quoi, ça? Une cahute. Ouais, je vois. Y'a quoi, tu l'as visité? Des boches. Chut! Moins fort, ça vaut. Faudrait tirer dessus, ou même bigorner. Le terrain est trop dégueulasse. Non, on n'a aucune chance. Ils n'ont plus un seul centimètre de peau sur les os. Comment ça? C'est des squelettes. Ils sont trois. On peut compter tous les os. Les mains, elles s'agrippent encore à la mitraillette. Bah, ça a dû canarder sec. Bon, pensons à la mission. On est juste là pour récupérer ce qu'on peut. Va falloir s'y coller. Papier, plaque, photo, s'il y en a. Les armes aussi. Oui, caporal. On va prendre notre temps pour fouiller les corps. Vu l'état des gars, ça fait un paquet de semaines qu'on les a oubliés. Personne ne reviendra les chercher. Les rats sont passés. Reste plus que les limaces. On se demande ce qu'elles trouvent encore à sucer. Vous leur raconterez un jour notre guerre, caporal? Oui, ça vaut un jour peut-être. Allez. On se remet au travail. Le jour va se lever, il va falloir rebrousser chemin dans peu de temps. Caporal, moi je dis qu'on est les fossoyeurs de l'oubli. T'as raison, mon ami. Ne pas oublier, jamais. Si avec ça je t'obtiens pas 48 heures de perme. Allez. Il les aime, ses compagnons d'armes. Bikoff, le méthodique, caché dans le clocher de l'église de Frise, élimine systématiquement le boche planqué sur l'autre rive. Il finira une balle dans la tête, non loin du bois de la vache. Rossi, l'Hercule de foire, expert en bivouac, sera abattu à Tillelois, toujours sur la Somme, du côté de Noyon. Kupka, le tchèque, sera réformé pour pied gelé. Van Lees finit pulvérisé et privé de sépulture. Savo tient sa promesse. Un beau matin, il manque à l'appel, évaporé dans la nature. Déserteur, traître à sa patrie, s'il est repris, il est bon pour Biribi. Sandrard n'oubliera jamais cette 6e compagnie du 3e régiment d'étrangers, menant sa petite guerre dans la grande. Des couturiers, des séminaristes, des charpentiers, des peintres, durs à cuire et jeunes poilus encore imberbes, ils ont compris que la guerre est loin d'être finie. Leur obsession, se déplacer et aller voir si la tranchée d'à côté n'est pas plus verte que celle dans laquelle ils croupissent. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre de gagner la ferme de Navarin, à 45 km à l'est de Reims, Sandrard et ses hommes ne se font aucune illusion. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. Qu'est devenu le Blaise qui s'échappait dans un transsibérien fantasmé ou dans les fêtes de Pâques au cœur de New York? Si je meurs aujourd'hui, je n'aurai rien écrit de tout cela. Pourquoi je ne renais pas? Je ne peux pas. Pourtant, je sais que c'est un bon moyen d'ôter toute cette chienlit qui me bouffe la tête. Que faudrait-il pour que je pose mon fusil et que je reprenne la plume? Que l'encre coule en lieu et place du sang. J'irai jusqu'au bout. Parole de soldat. À couvert! Ça y est. On y est. Ça pleut de partout. Je ne vois plus rien. Où sont mes hommes? Alice, il ne m'a pas loupé. Ce 28 septembre 1915, Sandrard et sa compagnie ont rejoint 2000 autres compagnons d'armes. Deux tiers d'entre eux, soit 600 hommes, vont tomber sur ces terres désolées de Champagne. Le poète hurle de douleur, il est touché à la main droite, sa main de poète. L'ambulance file à l'hôpital militaire de Chalon-sur-Saône. J'ai froid. J'ai soif. Je n'ai rien sur moi, pas même une couverture. Je suis nu. Je ne peux pas bouger. Où suis-je? Quelle est cette voix? Fais-la. C'est toi? Ça ne va pas durer. Non, non, ça ne se peut pas. J'ai la fièvre ou quoi? Je grelotte. J'ai mal, tellement mal. C'est pas le moment d'abandonner. Qui va s'occuper de moi? Battez-vous une dernière fois. Encore quelques mètres et je vais l'atteindre. Il est là, tout près de moi. Où est mon couteau? C'est bon. Il faut que je libère la lame. Pas un bruit, sinon il va se retourner. Il faut que je le surprenne. Que je lui saute dessus. Sinon c'est lui qui va me planter. Je vais braver l'homme. Mon semblable. Allez. J'ai tué le Bosch. J'ai tué. Tué. Oui. Tué. Caporal Sandrard, je suis là. C'est fini. C'est fini. Là. Là. Je suis là depuis combien de temps? Oh. Oh. Ça me brûle. Mon bras. Ça me lance. Qu'a-t-on fait de mon bras? Ne vous préoccupez pas de ça, Caporal Sandrard. Vous connaissez mon nom? Oui. Vous faites partie de mon étage, et donc de mes protégés. Je vais vous choyer comme un petit enfant. Je veux bien. Comment vous vous appelez? Adrienne. Mademoiselle Adrienne. C'est joli, Adrienne. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Pourquoi vous l'avez suspendu? Il ne peut pas supporter le moindre contact avec un drap. Un matelas. Son corps est criblé d'éclats d'obus. Pauvre jeune homme. Dans la vraie vie, c'était un petit berger des Landes. Drôle de métier que vous faites. Vous n'avez pas peur d'être marqué à jamais? Oh, vous savez, je ne me pose pas ce genre de questions. Je suis épouse, fille et arrière-petite-fille d'officier. En soignant tous ces hommes, c'est comme si je soignais mon père, mon frère, mon oncle... Je m'en veux juste de ne pas parvenir à tous vous sauver. Que reste-t-il à ce jeune homme d'humanité? Il n'est plus qu'une plaie sanguinolente. Son humanité dépend de la vôtre. Ou plutôt, de celle que vous lui renvoyez. Mademoiselle Adrienne, venez là, tout près de moi. J'ai tué, vous savez. J'ai ôté la vie à un homme en le regardant droit dans les yeux. Je lui ai enfoncé ma lame bien profond, jusqu'au trépas. Vous avez fait ce que des millions d'hommes ont fait. Sans doute. Racontez-moi vos voyages. Il paraît que vous êtes un aventurier, un bourlingueur et un poète. Qui vous a dit ça? Vous-même, monsieur Sandrard. Quand vous vous mettez à délirer. Si vos divagations n'étaient pas accompagnées de douleurs extrêmes, je me posterais là, à vous écouter, sans intervenir. Faut-il que je souffre pour renaître? Il est question de l'éternel, de peuples en souffrance, des juifs, d'un manchot qui tourne un orgue de barbarie, de toupies, de femmes et de violoncelles. Je n'ai rien manqué. Que c'était beau! Ce sont mes Pâques, un soir à New York, quelque temps avant cette saloperie de guerre. Mademoiselle Adrienne a installé le petit berger des Landes, touché par un obus dès le premier jour de son engagement, juste à côté de son poète préféré. elle a demandé à Blaise de le distraire, de lui conter ses aventures, de l'emmener ailleurs, loin de son calvaire. Pendant des heures, les infirmières lui changent ses pansements. Pas moins de 72 mèches enfoncées dans sa chair déchiquetée. Elles fouillent le fond à coups de sérum physiologique, d'eau de Javel, et versent quelques gouttes de teinture d'iode. Un supplice pour le jeune homme. Bleuet. Bleuet, tu m'entends? Alors ouvre les yeux et regarde. Là. Tu vois? Oh, mon bras pisse le sang. Mais je suis sûr que si tous les jours je prends mon oreiller pour un punching ball, ça va finir par s'arrêter. Alors, tu vas m'aider à supporter la douleur, hein, Bleuet? Car tu es le plus courageux des hommes que j'ai jamais rencontré. Oh, grâce à toi, je vais m'en sortir. Et je veux que tu te battes, toi aussi. Oui, monsieur. Je vais essayer. Tu vas pas essayer? Tu vas y arriver? Nous irons tous les deux au Lapin Agile pour nous ressouvenir de notre jeunesse perdue et de notre guerre aussi. Pour ne pas oublier ce que nous y avons laissé. Moi, mon bras, et toi, ton innocence. Regarde. Regarde, hein. Tu as déjà vu un manchot qui jongle? Ah non. Caporal, ça me fait tellement mal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de rire? Un jour, nous irons danser, Bleuet. Danser la vie, comme disait Nietzsche. Promis, monsieur Sandrard. Je vais tenir. Je me fais la promesse de ne pas abandonner et faire prendre le train à ceux qui m'aiment et qui veulent me suivre. Boucler la boucle et retomber de l'autre côté du monde comme dans la prose du transsibérien. Ne pas avoir peur de se perdre, de bourlinguer, de tout mélanger. Idées, sensations, rêves, la boxe. La boxe. Et aussi cette odeur de camphre et de chair en décomposition. Tout cela m'étourdit. Je ne veux pas être infirme. Je ne veux pas être infirme. Monsieur Sandrard. Monsieur Sandrard. Réveillez-vous. Il y a une visite pour vous. Une femme qui dit être votre épouse. Ah oui. Là, maintenant. Depuis quand je me suis assoupi? Où est le petit berger? Bleuet n'est plus. Il n'a pas survécu à son opération. Pauvre petit berger. Il a rejoint d'autres contrées. Tenez. Ces cigarettes sont pour vous. Merci. Et pour madame, si elle le souhaite. Merci, mademoiselle Adrienne. Je vous laisse. Merci, madame. Blaise, je n'en pouvais plus d'attendre. Tu me manques. Tu nous manques. Il ne va pas tarder, celui-là. C'est pour avril. D'ici là, j'espère être sorti. On l'appellera Rémi. 16 février 1916, Blaise acquiert la nationalité française et rentre à Paris. Il est désormais dégagé de ses obligations, médaillé militaire et croix de guerre. Il retrouve une vie, spectrale dans un premier temps, puis forcément différente. Qu'est devenu le Sandrard d'avant-guerre? Ce phénix qui aimait l'idée de renaître continuellement de ses cendres. Comment renaître? Comment revenir de cet au-delà du mal? Les souvenirs se bousculent. Il va falloir les enfouir pour les réinventer. Sa main gauche, orpheline, hésite encore. Mais peu à peu, il l'apprivoise. Il y a urgence de reprendre le chemin de l'écriture. Je veux raconter cette boucle de cheveux retrouvée dans le portefeuille d'un malchanceux. La boue saturée de mort que nous avons charriée sous nos pieds. Le nettoyage nécessaire d'étrangers. Je veux raconter le jour où j'ai tué en toute légalité. Je veux reconvoquer la poésie, poursuivre ma route au-delà de Saint-Pétersbourg, de Paname et de Panama. Blaise Cendrars à feu et à sang de Manuel Calma avec Philippe Bautier, Blaise Cendrars, Magdalena Malina, Fella, Mathieu Létuvé, Savo, Mathilde Panis, Adrienne, Samuel Charles, Bleuet, Claude Bernard Perrault, Rémi Dugourmont et les voix d'Emmanuel Bloch et Bertrand de Rofignac. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manon Houssin et Bernard Laniel, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Laure Egorov. On poursuit dans quelques minutes la discussion sur Blaise Cendrars avec mon invité Claude Leroy sur France Inter. Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Françoise Hardy, Le Large, sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, l'émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Vincent Godard. Claude Leroy, nous venons donc de quitter Blaise Cendrars en février 1916, avec son bras droit amputé. La guerre est finie pour lui. Après son hospitalisation à Chalon-sur-Marne, et non pas Chalon-sur-Saône, il rentre à Paris auprès de sa femme Fella et de leurs deux enfants, peut-être pas auprès de Fella, vraiment. Il dira plus tard que la guerre a tout changé, a tout bouleversé, a commencé par l'amour. La guerre l'a séparé de Fella. Il va rencontrer en 1917 une autre femme, Raymond, qui sera sa compagne blanche. Pourquoi blanche ? Des amours blanches. C'est comme ça qu'il non, appelle non, son non amour consommé, avec elle. En somme, sexuellement. Une muse. Une ah oui, muse, il n'y aura une... pas de sexe entre non, eux ? Pas de sexe. Pas de sexe. Et il va vivre avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Il va vivre avec elle, il va même l'épouser, donc, en 49. C'est une figure idéalisée pour lui, hein, c'est une compagne, effectivement, qui traduit d'une certaine façon ce grand bouleversement de l'amour par la guerre, hein, et qui l'a éloigné, semble-t-il. De la sexualité. De la femme sensuelle, de la femme charnelle, pour le tourner, je ne dirais pas simplement vers l'écriture, mais en tout cas pour rompre avec cette vie d'avant, cette vie qui associait aussi bien l'écriture que l'amour à la violence. Quand il s'engage en 1914, il a présenté cet engagement de façon variable, comme l'amour de la France, comme la haine des Boches, comme aussi une façon de fuir le monde littéraire et sa violence. Et finalement, pour aller lui-même au bout d'une violence qu'il ressentait, qui a passé par l'écriture et les polémiques littéraires juste avant guerre, et pour sortir de cela en quelque sorte. Il le dit, c'est une formule forte, la guerre m'a sauvé de la littérature, du monde littéraire. Et la guerre l'a sauvé une deuxième fois, si l'on peut dire, dans la mesure où elle lui a arraché un bras. C'est terrible ce que vous dites, oui. C'est terrible, mais il le dit lui-même, enfin il le fait entendre, n'est-ce pas? La guerre lui a apporté la possibilité, en lui arrachant le bras droit, de renaître justement à sa main gauche. Hein. Claude Leroy, je vous propose d'écouter Blaise Cendrars lui-même, qui s'exprime bien des années plus tard sur cette épreuve de sa vie, la guerre. C'était en 1950 sur la Radio Nationale au micro de Michel Manol, qui l'interroge sur son engagement dans la guerre en 1914. À ce moment-là, vous étiez un soldat qui tenait... J'étais un soldat qui tenait un fusil, vous teniez des coups de fusil. C'est pourquoi je ne fais pas partie aujourd'hui encore, je ne fais pas encore partie des écrivains combattants. Où on est combattant, où on est écrivain. Quand on écrit, eh bien, on ne combat pas à coups de fusil. Et quand on tire des coups de fusil, on n'écrit pas. Alors on écrit après coup. Ça m'a guère inspiré au point de vue poésie pure, la guerre. Enfin, pour faire des rimes, ce n'est pas moi ce qui m'épate, c'est de voir que Apollinaire, par exemple, et il y en a eu d'autres, ont réussi à faire des gentilles petites poésies, dans le vrai sens du mot, de gentilles petites poésies, avec des rimes au bout qui sonnent bien, puis des petits paysages, des gentilles petites choses, moi je trouve. Pas très tendre, Blaise Cendrars, pour son ami, pourtant Apollinaire. Oui. C'est étonnant, pour Blaise Cendrars, on est combattant ou bien on est poète, mais on ne peut pas être les deux en même temps, c'est ce qu'on a aussi entendu dans la fiction. C'est quitter une violence pour une autre forme de violence. Pour lui, il y a continuité entre l'écriture qu'il laisse en 1914 et l'engagement qu'il prend, qu'il n'est pas du tout obligé de prendre, hein, puisqu'il est, il est suisse, ressortissant d'un pays neutre, il décide de s'engager. Encore une fois, l'amour de la France, ici, qui apparaît dans le texte, cette proclamation, avec, en 1914, écrite avec, ouais. avec Canudo, ce texte met l'accent naturellement sur l'amour de ce second pays. Mais dans les faits, ce qu'il dira plus tard, dans La main coupée, par exemple, c'est que oui, bien sûr, patriotisme, non. Il refuse même un patriotisme second pour dire que bah, il aime pas les Boches. Je déteste les Boches. Bon, en même temps, cette haine des Boches qui marque effectivement sa jeunesse, cette haine des Boches, je crois qu'il faut la mettre en relation avec ce qu'il dit par ailleurs, dans une phrase qu'il dit avoir écrite dans sa jeunesse, qu'il retrouve tardivement, où il aurait mis sur un bout de papier « Je deviendrai célèbre par un mauvais coup ou par l'écriture ». Il y a une équivalence évidemment assez inquiétante entre les deux, mais qui, je crois, rend assez bien compte de ce mouvement de la violence qui passe de l'écriture d'avant-guerre à la guerre elle-même et à autre chose après-guerre, après la blessure. Oui, donc après un an et demi sur le front, comment s'est passé justement ce retour à la vie normale? D'abord, sa main droite qu'il a perdue, il doit apprendre à vivre avec cette main gauche, à vivre au quotidien et aussi à écrire de cette main gauche. Bon, je crois qu'il l'a vécu comme... on peut le comprendre, il l'a vécu comme soldat une sorte de mort, de mise à mort. Il a été tenté, dira-t-il, a été tenté par le suicide, il s'est mis à boire encore plus que d'habitude, il a mené une vie... Bon, de dérive. Oui, il a une année très difficile, il passe son temps difficile. À boire, oui. À traîner dans les bistrots. Voilà, qu'il éloigne de sa femme, peu à peu, et de ses enfants. Et puis, il se passe quelque chose de très singulier en 1917, c'est que, contre toute attente, ce qui, au fond, l'a foudroyé, cette terrible blessure, ce qui l'a foudroyé va être perçu désormais par lui, au cours de l'été 1917, comme la chance d'une renaissance. Je suis mort à mon bras, à mon homme droit. Je renais, c'est une chance extraordinaire. Je renais à mon homme gauche. Il sera désormais le poète de la main amie. Et cette main amie, c'est ainsi qu'il signe ses lettres. Cette main amie, c'est la main gauche. Et ça, évidemment, donne à songer à ce conflit intime entre les deux mains qui permet de comprendre peut-être ce qui s'est passé pour lui dans son engagement de Suisse dans l'armée française. Il s'est engagé contre le Boche qu'il y avait en lui. C'est un Suisse bilingue, Kossenbrauer, n'est-ce pas? Il a choisi cette part française contre sa part allemande. Et c'est là une sorte de guerre civile, si vous voulez, qui s'est traduite par cette amputation dont il fait comprendre que c'est sa chance. La Seconde Guerre mondiale a été un nouveau choc pour lui. Hein. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'il va réellement écrire aussi sur la Première Guerre mondiale, son texte, par exemple, la main coupée que vous évoquiez, Claude Leroy. Et ses deux fils aussi se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cette raison qu'il écrit seulement à ce moment-là. C'est une énigme, n'est-ce pas? Pourquoi attendre 30 ans? Alors, il n'a pas attendu 30 ans pour écrire sur la guerre de 14, n'est-ce pas? Mais son grand livre... Son grand livre, c'est La main coupée, qui paraît 30 ans après les événements. Alors que les grands livres sur la guerre de 14 ont paru encore pendant la guerre ou juste après-guerre. La main coupée, qui paraît en 1946, qui paraît après L'homme foudroyé, qui alors a été très bien reçu après-guerre, La main coupée déconcerte la critique. Pourquoi, alors qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, revenir sur la Première? C'est tout à fait inactuel. C'est en effet un livre à contre-temps. Je crois qu'il faut le considérer effectivement comme la réaction de Sandrard à une deuxième mort qu'aura été pour lui la débâcle. Il a vécu la débâcle. La défaite de 1940. Voilà, comme une sorte de retour à la ferme Navarin. Il a été amputé deux fois. Et un de ses fils meurt en 1945. Oui. Dans un accident d'avion. Blaise Sandrard a donc survécu à la Première Guerre mondiale, il va survivre à la Seconde et il poursuivra sa vie de voyage, sa vie d'écriture évidemment. Il mourra le 21 janvier 1961 à l'âge de 74 ans. Claude Leroy, vous avez dirigé la publication de ses œuvres complètes de Sandrard dans la bibliothèque de la Pléiade. Elles sont disponibles aussi chez De Noël et en collection de poche. Que conseilleriez-vous à quelqu'un qui voudrait découvrir l'œuvre de Sandrard aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas? Difficile, hein? Que vous dire? Les grands poèmes, évidemment. Les grands poèmes... La prose du Transsibérien. Le Transsibérien, qui est un magnifique poème d'entrée dans la vie. Hein. L'or, qui est son roman, justement, du grand foudroiement rédempteur. Ouais. Et puis Bourlinguer. Ouais, Bourlinguer, son grand livre. Merci beaucoup, Claude Leroy. Merci à vous. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement d'ambiance, nous partirons en 1936 en compagnie de Jesse Owens, l'athlète noir américain qui participa cette année-là aux Jeux Olympiques de Berlin, organisés par Hitler. L'amitié entre le champion noir et l'athlète allemand Lutz Lang sera vécue comme un affront par le dictateur. Jesse Owens, un champion noir défie Hitler, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.